Il faut imaginer ce que c'était avant 1925. Ce bâtiment ancien, là, et cette tour, c'était le bout de l'usine. Là, tout ça, c'était la campagne, à la place de ce grand bâtiment, là-bas. Okay. Et ça, c'était la campagne aussi. D'accord. Tout. Et ici, en angle droit avec ce bâtiment, il y avait toute une série de vieux bâtiments. Il y a des photos. Il y en a à la mairie de Chirol, je vous en ai donné d'ailleurs. Et vous aviez ce site, qui était un site fermé, à la place du bâtiment, là, l'autre. Les vieux bâtiments, c'était des fermes. Et il y avait une chapelle. Et à la place aussi des terrasses sur lesquelles, qui sont sur le devant, il y avait aussi des bâtiments de ferme autour. Qui appartenaient aussi. Oui, oui, qui appartenaient, oui. Alors, c'était un lieu fermé, il y avait le canal derrière qui amenait l'eau. Et c'était vraiment, c'était une bastide très intime. Ils ont eu des idées de grandeur un peu fofolles, et ils se sont mis à vouloir faire une grosse usine. Alors, ils ont démoli, et puis ils ont construit ce gros truc-là, avec son deuxième étage, qui est plus haut que cette toiture-là, hein, jusque là-bas au fond. Et ensuite, ils ont construit tout ça pour loger le personnel dont ils auraient besoin pour tourner ce gros truc. Les choses ont été telles que ça a brûlé en 1934, alors que c'était en fonctionnement depuis 1927-28. C'était devenu opérationnel au moment de l'énorme crise américaine de 1929, hein, que foutu en l'air toute l'économie occidentale, enfin la petite économie occidentale de l'époque. Et donc, ils se sont retrouvés avec cet énorme potentiel industriel qui était là, puis tout ce bâtiment pour loger des gens, à un moment où les marchés s'effondraient. Et en 1934, ça a brûlé. Et ça les a bien arrangés. C'est marrant parce qu'on s'est posé la question, on s'est dit dans quelle mesure... Quelle mesure quoi? Bon, c'est des fantasmes. Hein. Dans quelle mesure ça n'a pas été provoqué pour... Je pense pas. Non, mais sincèrement, écoutez, oui, je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Je pense pas que ce soit ça. Moi aussi, j'ai pensé ça. Oui, parce que dans ma vie de textile, j'ai tellement vu à une certaine époque des usines qui brûlaient volontairement. Hein, parce qu'il y en a eu, hein. Hein, dans les années 75, il y a un paquet d'usines qui ont brûlé dans le nord, Normandie, etc. Hein, mais c'était des incendies qui étaient déclenchés. Enfin bon, on ne le prouvait pas. Oui, voilà, on supputait. Mais bon, on supputait, bien sûr. Mais bien sûr, des boîtes qui flambaient allègrement. Hein. Non, ici, je ne pense pas que c'était le cas. Et vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait donc, différentes machines, mais vous parliez de métiers à tisser. Donc, ici, ce n'était pas juste un moulinage, on tissait ici aussi. Oui, bien sûr. Oui. Jusqu'à quand on a tissé ici? Ici, on a tissé jusqu'à l'incendie de 1934. Ils n'ont pas tissé bien longtemps, ils ont dû tisser de 1927 à 1934. Parce qu'après, toutes les machines à tisser. Les machines de moulinage sont tombées en dessous sur les machines à tisser qui étaient foutues. Mmh. Alors, comme ils avaient construit aussi un tissage à Tueil, l'usine de Tueil qui est devant la route. Ils avaient bâti cette usine pour faire du tissage. Donc ils avaient déjà un tissage là-bas, mais qui ne marchait pas à fond. Alors donc, ils ont redéployé le tissage à Tueil, puis ici, ils n'ont plus fait de tissage. C'était raisonnable. Mais c'était assez rare quand même, les moulinages en Ardèche qui faisaient du tissage. Pas tant. En général, ça partait à Lyon, non? Non. On allait dans la vallée de l'Eyrieux, il y en avait beaucoup. Oui, même ici, dans la périphérie, il y avait quelques tissages. Parce que si vous voulez, les Lyonnais, ils tordaient tellement le cou de ces pauvres mouliniers, hein, les Lyonnais, c'était des abominables. Bon, que certains qui se disaient, au fond, je leur fais du fil pour qu'ils puissent le tisser, puis ils tordaient le cou aussi à leurs tisseurs, parce que les Lyonnais, ils n'avaient pas d'usine. C'était leur force. Ils ne savaient pas s'embêter avec le personnel des usines, avec le coût des usines. Quand le tisseur, le moulinier qui travaillait pour leur compte, elle trouvait, écoutez, je m'en sors plus, il faut monter mon prix, oui, mon pauvre monsieur, c'est pas possible. Vous ne vous rendez pas compte, la vie que nous menons nous-mêmes. Bon, vous voulez monter votre prix? Mais montez-le, mais je ne vous passe plus de commande. Je vous trouve ailleurs, au même prix. Hein, c'était la musique habituelle, qui existe toujours d'ailleurs, dans tous les domaines. Hein. C'est la même. Hein. Et on était comme ça.